Dieu aussi a son enfer. C'est son amour des hommes. Et le désespoir et le suicide du cœur. Toi mi sato ni bale na moto ye mi sato na katia motema azewa tika batongela yo ke kona katia chazelize tika batia foto na yo na katia dictionnaire bala ke la si batanga komo na yo pour l'éternité lokolo ke kene batanga na yo piramide le kona ba faraon maman. Suka oh, toke negodi.